Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est située au 747 boulevard Vézina d'Olbeau-Mistassini au 418-276-2108. L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. On va parler avec Bruno Boudreau. C'est sa dernière chronique de l'année jusqu'au camp d'entraînement, à moins qu'il se passe une bombe. Ça pourrait fort bien arriver parce que les nouvelles qui sont pas arrivées encore, les nouvelles qu'on attendait, à part Giancarlo Stanton et Ohtani, chez les Blue Jays, il se passe pas grand-chose. On en parle avec Bruno Boudreau. Salut, Bruno. Salut, Dan. Ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Bruno, faut pas être déçu à la date ben, parce qu'il s'est pas passé grand-chose. Moi, je suis déçu de ce qui s'est... Parce que les assises, je m'attendais à avoir des signatures, je m'attendais à avoir des transactions. Mais tu sais, du côté des Blue Jays, là, les noms qui reviennent le plus souvent, c'est Jake Arrieta, CeCe Sabathia, Carlos Gonzalez, ouais. Lorenzo Cain. Ils ont pas signé à nulle part. Donc, on peut pas être déçu du travail de Ross Haskins, quoique je m'attends pas à grand-chose. Ben, en fait, je te dirais, honnêtement, il s'est pas passé grand-chose du côté des agents libres. Hein? Aujourd'hui, il y a quelques noms qui ont sorti là, depuis ce midi. Là, on a vu des joueurs okay. comme Zach Cozart et Carlos Santana et des joueurs comme ça qui ont signé après les assises. Là, ça a passé en début d'après-midi. Là. Okay. Donc, quelques petites signatures. Là, dans le cas de Santana, on parle 3 ans, 60 millions avec les Phillies. Dans le cas de Zach Cozart, 3 ans du côté des Angels. C'est un joueur que les Blue Jays avaient dans la main pour venir ajouter de la profondeur à l'avant. Mais il s'est pas passé grand-chose en termes d'agents libres. Et une des raisons, il y a deux raisons principales, puis même l'année passée aussi, aux assises d'hiver, c'était un petit peu le même résultat qui s'est passé. La première chose qu'on voit beaucoup, c'est qu'il y a plus d'échanges. Les équipes font plus attention à pas dépenser sur le marché des joueurs autonomes, surtout s'il y a des choix de repêchage qui sont associés avec les joueurs. Puis l'autre chose qu'on voit aussi, c'est que dans les agents libres qui restent, c'est pas mal tous des clients de Scott Boras. Puis il va aller chercher le plus gros pour ses joueurs. On a vraiment senti dans les assises qu'il y a beaucoup d'équipes qui est encore résistante à sortir la grosse argent. Puis on a vu des exemples. On va parler un peu de Ohtani qui a signé avec les Angels tantôt. Mais quand tu as vu des gars comme Stanton, par exemple, aboutir avec les Yankees, tu peux pas t'attendre de l'autre côté à ce que les Yankees sortent un autre 30 ou 40 millions pour aller chercher un joueur dans ce marché-là. Même chose du côté des autres certaines transactions qu'on a eues et certaines transactions aussi qui n'ont pas eu lieu. Un nom qui circule beaucoup, c'est Manny Machado avec les Orioles. Oui. Une équipe qui va aller chercher Machado, ils ont été clairs là, du côté de Machado. Du clan Machado, il ne signera pas une extension avant de devenir joueur autonome. Donc là, les équipes se disent, je vais-tu commencer à donner 2, 3, 4 bons joueurs d'avenir pour aller acquérir un gars comme ça? On le sait pas trop. Puis dans le cas des Blue Jays, un des gros noms qui avait été lié aux Blue Jays, c'est aussi c'était Marcel Ozuna qui a été échangé par les Marlins après Giancarlo Stanton. Mais écoute, Dan, c'est pas compliqué. Les Marlins sont arrivés. Si vous voulez Ozuna, vous allez nous donner Bo Bichette et Vladimir Guerrero Jr. Ça a été terminé dès le départ. Donc, je pense que vraiment, les équipes qui vont venir pour faire des échanges, ils en demandent un peu plus parce que c'est un marché qui est de plus en plus compétitif parce qu'il y a beaucoup d'échanges qui se font entre les équipes. Et pour les joueurs autonomes, puis on a vu l'an passé, on se souvient avec José Bautista, Edwin Encarnacion, ça a été très long avant qu'ils signent. Ouais. Et ça me surprendrait pas aussi que ça s'étire un petit peu. Est-ce que ça va se décider avant Noël ou début en janvier? Mais c'est certain qu'il y a des gros noms qui vont rester quand même, qui seront non signés avant le mois de janvier. Puis je pense que c'est une tendance qu'on va voir aller des prochaines années, des assises d'hiver. Pas nécessairement de grosses signatures, des transactions, puis aussi un peu de préparation au mouvement personnel qui vont venir peut-être un petit peu plus tard, là, fin décembre. Au même J.D. Martinez, oui. Qui a eu, il y a eu certaines rumeurs avec les Blue Jays, il n'est pas signé encore non plus. Ça, c'est un nom que je suis surpris que... Tu sais, il y avait des équipes qui étaient à la recherche de Giancarlo Stanton. Il y a des équipes perdantes. C'est sûr qu'un gars comme J.D. Martinez aurait pu être une très belle bouée de sauveteur pour les équipes qui ont perdu Stanton. Par contre, je donne pas un 6-7 ans, un gars de 30 ans. Là. T'sais, tu donnes pas un contrat à long terme à J.D. Martinez. Moi, je pense, en tout cas, c'est mon point de vue. Mais c'est 6 Sabathia. Je veux revenir sur 6 Sabathia. Avec les Jays, c'est que t'en penses? Écoute, c'est un lanceur, je ne sais pas si ça se fait encore ce type de contrat-là. Faut que tu y ailles. Il est tellement gras. Il a connu une bonne année l'année passée, mais ce que je m'attends, c'est que tu sais, j'y donnerai un contrat avec des bonus. Je sais pas si ça se fait encore ce genre de contrat-là, puis il va toujours jouer preneur. Mais ce gars-là, tu sais jamais, écoute, hein, il doit peser 300 livres. Oui, bien en fait, puis un des problèmes avec Sabathia, c'est pas nécessairement le poids, c'est sûr que ça a toujours été un enjeu pour lui. Mais c'est aussi l'âge. Tu sais, l'année passée, il a eu une bonne saison. Ouais. C'est ça. Est-ce que c'était le fond du réservoir? Et c'est ce que les équipes, je pense, se posent comme question. Dans le cas de Sabathia aussi, ce qu'on attend, je pense, de son côté, c'est est-ce que les Yankees vont lui faire signe? Parce que je pense que son premier choix du côté de Sabathia, c'est de retourner à New York. S'il y a de la place dans la rotation pour lui l'an prochain, avec un salaire intéressant, c'est certain qu'il va retourner du côté des Yankees. Mais par contre, il a lancé longtemps dans la division Est américaine. C'est sûr que pour les Blue Jays, ça peut être une bonne option. Lanceur gaucher qui vient s'insérer, un vétéran. Puis c'est sûr que le salaire qu'il va commander n'est pas le salaire qu'on a déjà vu un gars comme Sabathia gagner, entre autres, lorsqu'il avait signé son méga contrat avec les Yankees de New York. Donc, est-ce que c'est une situation qui est intéressante pour les Blue Jays si on est capable de l'obtenir? Oui. Mais est-ce qu'on va être capable de l'obtenir? Ça, c'est l'autre question, parce que quand tu regardes Sabathia, même après les Yankees, il y a d'autres équipes qui cherchent de la profondeur au monticule, puis des vétérans, puis je pense qu'il y a des équipes qui vont être prêtes à donner peut-être un petit peu plus d'argent que les Blue Jays voudraient aller pour un gars comme Sabathia. Mais je le verrais très bien, Dan, arriver comme quatrième lanceur l'an prochain. Tu le positionnes dans la rotation en arrière des jeunes Stroman et Sanchez, et tu mets un J-App dans le tas avec un Estrada qui revient, puis tu ajoutes Sabathia, tu commences avec une bonne rotation. OK. Donc, on va surveiller ça de très, très près. Dis-moi maintenant, Giancarlo Stanton, c'était... Je veux terminer avec les Blue Jays. La bonne nouvelle dans ça, c'est que les Cards... Et ça, on l'avait dit, Bruno, je t'en avais parlé. Mark Griffin est revenu la semaine passée là-dessus. À Dan Radio Sport que les Cards et les Blue Jays si les Cards perdaient Stanton, il allait appeler les Blue Jays. Ça s'est fait et la bonne nouvelle dans ça, c'est que les Jays semblent plus intéressés à le garder. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que faut que ce dossier-là soit réglé. Je dirais même que c'est le dossier prioritaire des Blue Jays. C'est un dossier comparable à Carey Price chez le Canadien l'année passée. Si Donaldson commence l'année à Toronto sans contrat, j'ai l'impression que ça va être une distraction. Oui, puis en fait, ton point est super bon, puis on en a parlé souvent. Puis je pense que c'est... Et puis les entrevues avec Ross Atkins ont vraiment indiqué vers là. Les Blue Jays, ils veulent gagner en 2018. Il ne faut pas oublier aussi que présentement, les Blue Jays, il y a un processus possiblement d'avoir la vente de l'équipe. Ça n'a pas d'influence. Atkins a mentionné que ça n'avait aucune influence sur les décisions qu'il prend. Est-ce que c'est réellement le cas en coulisses? On ne le sait pas. Mais dans le cas de Donaldson, l'autre élément important, puis tu l'as dit, c'est on veut avoir la résolution du dossier avant le début du camp d'entraînement. Puis l'autre chose, c'est que ça devient un peu aussi le visage de ton organisation. Ça va donner le ton un peu à l'orientation qu'on va prendre du côté des Blue Jays. Il y a comme deux possibilités. Ou bien, tu l'as mentionné tantôt, des noms comme Carlos Gonzalez, des gars comme ça. Alors, ou bien on signe Donaldson, on essaie de signer un autre joueur autonome, on ramasse un Cici Sabathia, puis on part avec ces vétérans-là, puis on espère que le mélange des vétérans puis des jeunes puisse t'amener vers une course au championnat l'an prochain. Ou bien, si l'offre est intéressante et tu peux pas passer à côté, ben tu peux décider de mettre la hache dans la construction actuelle des Blue Jays puis de repartir sur un autre cycle. Et à partir de ce moment-là, ben tu pourrais échanger Donaldson. Sauf que les Jays ont quand même le gros bout du bâton encore dans ce dossier-là. C'est-à-dire que Donaldson a quand même signifié son intérêt de rester à Toronto. Les Blue Jays, c'est une équipe qui a de l'argent pour un gars comme ça. Et en parallèle, ben les Cards, on sait qu'ils sont acculés au pied du mur. Ils voulaient ajouter de la puissance au bâton. Ils ont passé à côté dans le dossier de Stanton. Et là, du côté des Blue Jays, on sait que c'est un joueur qui les intéresse beaucoup. Donc, est-ce qu'on sera capable d'aller pousser un peu plus loin pour obtenir vraiment le gros package en échange? Si on se rend jusque-là, ça ne me surprendrait pas qu'on le bouge. Mais du côté des Cards, je suis pas sûr qu'on va être prêt à aller jusque-là parce que Donaldson, il y a quand même des questions. Il a été blessé par le passé. Tout ça, c'est peut-être moins une valeur sûre qu'un gars comme Stanton. Mais par contre, Donaldson a été le meilleur joueur en deuxième moitié de saison d'ailleurs. Ah, absolument, absolument. Écoute bien, ça dépend toujours du contrat, ça dépend toujours, mais c'est un leader. Ouais. Je veux te parler de Giancarlo Stanton. Beaucoup de monde, et avec raison, je ne blâme pas tous les gens, mettre les Yankees tout de suite numéro un. Oui et non. C'est sûr que les Yankees, regardent leur rotation de frappeurs, ça fait peur. Leur relève, personne ne parle de l'enclos de relève, et ça au baseball, en série, c'est la chose la plus importante, ils ont une relève incroyable. Mais tu ne sais pas ce qui peut arriver. Un, les blessures. Deux, comment Stanton va se comporter dans la grosse pomme. Oui. Et trois, comment Aaron Boone va gérer tout ça. Il y a des égos là-dedans, là. Et ouais. La communication, c'est sûr qu'on va faire... J'ai hâte de voir comment Boone va... Parce que c'est rien moins que la série mondiale là, qu'on vise à New York. Là. J'ai hâte de voir comment qu'on va gérer tout ça. Et Judge et Stanton dans l'alignement, c'est quoi? C'est au moins 130 circuits peut-être à les deux. Peut-être pas 130, mais 120 facile. Mais beaucoup de retraits sur des prises aussi. Oui, puis dans le fond, du côté des Yankees, il y a deux éléments. Puis je lisais un article intéressant cette semaine avec Brian Cashman qui mentionnait un peu tout le processus qui a mené à l'acquisition. Il n'y avait pas de cachette. Là. Les Yankees voulaient Ohtani. Puis Ohtani a été clair qu'il ne jouerait pas sur la côte Est. Fait que ça a été rapidement su du côté des Yankees. Pour ceux qui se sont revirés du côté de Giancarlo Stanton. Et du côté des Marlins, ben, on a un peu mal géré le dossier Stanton. Ça a été un peu mal travaillé, ce qui a forcé un peu la main aux Marlins de l'échanger à New York. Avec le marché qu'ils ont obtenu, qui est peut-être pas le meilleur échange qu'ils auraient pu aller chercher pour un joueur de la trempe de Stanton. Ceci étant dit, moi, je vois deux différences avec le cas. On se souvient quand Alex Rodriguez était à boutique les Yankees avec Derek Jeter. Donc, on avait deux gros égos et c'était deux clans dans l'équipe. C'est sûr que là, Judge, c'est une équipe plus jeune, premièrement, qui est en train de se construire autour d'Aaron Judge. Puis, Judge et Stanton, c'est des joueurs qui s'apprécient déjà. Ça, on le savait, il y a de la camaraderie. On l'a vu au match des Étoiles l'an passé. Puis quand quand Brian Cashman a approché Judge pour lui dire « Écoute, j'ai un échange sur la table pour aller chercher Giancarlo Stanton. Qu'est-ce que tu penserais que... » Parce que là, vous allez devoir splitter du temps peut-être dans le champ droit comme frappeur des idées. Ouais. Qu'est-ce que tu vois avec ça? Puis Judge a dit « Écoute, moi, je veux jouer avec Stanton. On va faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. » Fait que je pense qu'il y a déjà une bonne chimie entre ces deux-là qui vont venir vraiment le cœur de la formation. Mais l'aspect des retraits au bâton est intéressant parce que du côté du cœur d'alignement des Yankees, ils vont avoir des soirées où ils vont faire 2-3 circuits à leurs deux puis que les Yankees vont faire 10-12 points. Puis ils vont avoir des soirées où que les deux vont faire 5-6 retraits au bâton. Puis là, ça va être au reste de l'alignement des Yankees. Puis ça, c'est quelque chose qu'on parle un peu moins, mais qu'on a vu dans les séries. Il y a de la vitesse qui se construit dans cet alignement-là. Il y a de la puissance ailleurs avec des gars comme Gregorius et tout ça. Des gars comme Brett Gardner, des vétérans qui font des longues présences. Fait que ça va mettre aussi... Ça fait en sorte, à mon avis, que les Yankees, il n'y a peut-être pas nécessairement besoin d'un gars comme Stanton en ayant déjà un gars comme Judge, par exemple. Mais en ayant deux dans l'alignement, puis en continuant de boucher les trous autour, en ajoutant un peu de vitesse puis de moyenne au bâton et tout ça, ça va vraiment construire un alignement qui va être dangereux. Fait que, tu l'as dit, la relève est là. Le personnel de frappeur est très, très dominant. Maintenant, si on est capable d'ajouter un ou deux lanceurs partant de qualité, ben on va placer l'équipe vraiment au sommet. Ohtani, c'est confirmé. Il s'en va avec les Angels de Galdanaine. C'est quoi l'histoire? Parce qu'il y en a qui disent qu'il pourrait même subir l'opération de Tommy John. Il y en a, mais c'est sûr que quand on regarde ça, ça n'aurait pas de bon sens de donner autant d'argent à un gars si il a sûrement passé un examen médical avant de signer. Par contre, moi, j'ai l'impression que ça va être... Mais là, ce qu'on dit, c'est qu'il va le lancer. Donc, il ne frappera pas la première année. Peut-être jouer comme position un match de temps en temps. Ont, comme frappeur de choix, ils ont Albert Pujols. Mais moi, j'ai l'impression que... Écoute bien, là, il est voltigeur aussi. Ce gars-là, il va peut-être le faire un an ou deux, mais s'il veut avoir une longue carrière, à 30 ans, ce gars-là, il va falloir qu'il rentre dans le moule et qu'il joue dans une position. Oui, puis écoute, il y a 23 ans, fait qu'il il y a quelques années pour se rendre jusque-là, puis tu sais, il y a eu beaucoup de choses qui sont écrites là, suite aux premiers articles qui ont apparu sur le dossier de Ohtani. Ce qu'on dit, en fait, c'est pas compliqué, c'est qu'il y a quand même des dommages dans le coude. Okay. C'est quelque chose qui est pas comme, c'est très commun. Donc, c'est pas quelque chose qu'on voit jamais, là. Les lanceurs qui arrivent, peu importe, des réseaux de filiales, que ce soit aux États-Unis, même au Japon. C'est sûr qu'au Japon, ils lancent plus jeunes, les lanceurs. Fait que généralement, on l'a vu par le passé, les lanceurs qui sont traversés en Amérique. Mmh. On s'est rendu compte que, comme Yu Darvish, à un moment donné, il a dû avoir l'opération Tommy John. Datsuke. Et même Masahiro Tanaka, hein, on se souvient que les Yankees, même l'an passé, à un moment donné, on se dit, c'est tout le temps de le faire parce que on voit quand même qu'il y a de l'usure au niveau des tendons. Sauf que, c'est des usures normales que d'autres lanceurs ont aussi. Fait que du côté des Angels, ils n'ont pas nécessairement de crainte de ce côté-là. Puis l'autre chose, c'est si jamais ça venait, par exemple, à lâcher, je dis n'importe quoi, là, que l'année prochaine, bon, les Angels, qui est une équipe qui a souvent des problèmes de lanceurs, bon, ben, ils arrivent au tamis, puis ils se blessent après trois départs, puis c'est terminé pour l'année, opération Tommy John. Ça reste que c'est un joueur qui est évalué par plusieurs recruteurs avec un talent d'un joueur de 200 millions par année. Si ça t'a coûté 3-4 millions plus, mettons, 20 millions à l'équipe que tu as donné. Mais pour le joueur, si ça t'a coûté peut-être un 3 ou 4 millions pour 2 ans, puis que finalement, il joue rien qu'une demi-saison là-dessus, ben il est rendu dans ton équipe. À ce moment-là, tu l'as sous contrôle, puis tu peux faire signer pour le gros contrat. Et là, le talent, t'es allé le chercher. Donc, le risque est quand même mitigé par le talent du joueur. Je regardais cette semaine un exemple là-dessus. Les Twins ont donné un contrat de 2 ans à Michael Pineda, l'ancien des Yankees de New York. Mais il se remet de l'opération Tommy John. Il n'en sera sûrement pas avant septembre de cette année. Mais ils l'ont signé pour un contrat cette année parce qu'ils se disent, en 2019, on va avoir un joueur de qualité qu'on peut signer à un prix intéressant. Fait que je dis pas qu'Otani, son bras va lâcher nécessairement. Ils vont le monitorer puis ils pensent que ça va être rétabli au début de la saison. Mais c'est pas anormal de voir ça. C'est juste que comme le dossier a tellement été médiatisé, ben, aussitôt que ce rapport-là est sorti, ben là, ça a fait brûler les médias sociaux et tout ça. Mais en réalité, c'est quelque chose qu'on voit d'assez commun. Par contre, ça reste quand même inquiétant de voir qu'il peut déjà avoir un peu de dommages à 23 ans. Bon, on va faire une pause, Bruno, parce qu'on pourrait se parler longtemps, mais là, c'est la rétrospective de l'année. Donc, vous êtes à l'écoute de la rétrospective de l'année et de l'entrevue avec Bruno Boudreau sur les ondes de DanRadioSport.com. Monsieur Robin Boulian, directeur général du groupe BR Metal, ainsi que le personnel du groupe BR Metal et ses quatre divisions, Mobilier Public, BR Industrie, Aluco, BR Peinture Industrielle, désire souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Le groupe BR Metal est un employeur important dans le milieu, puisqu'il génère presque 40 emplois et ne cesse de grandir. Le groupe BR Metal est situé au 353 Gustave Dessureau, au numéro de téléphone 418-276-5888. Le propriétaire du restaurant Subway de Debeaumont-Sessy, M. Luc Bélanger et toute son équipe profitent de l'occasion pour souhaiter à sa distinguée clientèle un très joyeux Noël et une bonne année. Et le remercie de leur encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents. Ce sont les souhaits du restaurant Subway situé au 1801 à Debeaumont-Sessy au numéro de téléphone 418-276-6848. On est de retour à Dan. Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est située au 747 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini au 418-276-2108. Bruno, tu veux faire un petit peu un compte-rendu. On va le faire dans le temps des fêtes avec nos deux autres collaborateurs baseball, Jacques Doucet et Mark Griffin. Mais tu voulais le faire pareil parce que c'est ta dernière chronique de l'année. Ton top 3, mettons. Oui. Ouais, ben, en fait, ouais, ben, j'allais dire, tu sais, top 3, je dirais des éléments qui m'ont intéressé cette année dans le monde du baseball. Puis je vais commencer par les Blue Jays parce que même si ça n'a pas été une bonne saison, puis je pense qu'on peut échanger là-dessus parce qu'on en a parlé presque toute l'année, ça reste que depuis la renaissance des Blue Jays il y a 2-3 ans, c'est quand même l'équipe la plus populaire au Canada. Puis au Québec, pas mal égal avec les Red Sox, on peut dire. C'est les deux équipes qui sont les plus suivies. Puis une chose qu'on s'est parlé tôt dans l'année par rapport aux Blue Jays, on se souvient quand que José Bautista, bon, on a su qu'il allait être de retour puis qu'un gars comme Encarnacion ne serait pas là. Ce qui a vraiment fait mal aux Blue Jays puis qu'ils n'ont jamais été capables de rattraper de toute l'année, puis tantôt on parlait du Canadien, puis c'est un peu la même situation qui risque de leur arriver que leur début de saison. Les Blue Jays se sont jamais remis du mois d'avril 2017. C'est un beau mois de mai par contre, mais par contre par la suite c'était hein? Ils se sont battus pour revenir autour de 500 toute la saison. Puis à partir de là, dans le fond, la façon laquelle que l'équipe était construite, ben, on s'est demandé est-ce que c'était le temps justement de recommencer à neuf. Puis il y a eu un gros statu quo tout au long de l'année. Puis ce que je retiens dans cette année-là du côté des Blue Jays, puis on en a parlé plusieurs fois, c'est que c'est pas encore clair c'est quoi le plan pour l'avenir. On a de la difficulté à avoir une orientation. Puis je vais revenir tantôt en parlant un peu des Astros, mais il y a des équipes qui ont décidé vraiment qu'on rebâtit complètement, là, on défait toute organisation, puis on repart en neuf, puis on voit où ce que ça va nous mener. Puis t'as des équipes qui, au contraire, vont décider d'y aller vraiment un gros all-in, là, en gros, grosses lettres, puis on y va pour un 2-3 ans, puis on signe des joueurs à gauche puis à droite, puis on sort la grosse argent. Puis on dirait que les Blue Jays ont décidé de se mettre entre les deux. Puis j'ai l'impression, Dan, puis on le voit avec les résultats depuis 7-8 ans dans le baseball majeur, c'est pas une stratégie qui te permet d'aller gagner la Série mondiale. Tu restes pris entre les deux. T'es complètement pris dans une situation où, quand tu vas arriver dans les séries comme les Blue Jays l'ont fait, tu vas être dépassé par une équipe qui a été construite avec du recrutement puis qu'on a fait progresser les joueurs. On a vu, entre autres, les Royals et les Indians éliminer les Blue Jays pendant 2 ans. Ou bien tu vas arriver de l'autre côté puis tu vas t'affronter des équipes qui ont décidé de sortir toute la grosse argent, la grosse artillerie lourde, la grosse monnaie. Et en bout de ligne, ben, toi, en essayant d'avoir le meilleur des deux mondes au milieu, ben tu te ramasses avec une équipe de milieu, une équipe qui, 2 années sur 3, sera en série puis fait un parcours intéressant, mais pas assez pour aller jusqu'au bout. Et une année où tout va moins bien, où tu commences moins bien l'année, ben t'as pas les ressources pour t'en remettre. Fait que c'est ça, les Blue Jays, hein, c'est pris entre les deux, puis ça va être difficile de voir c'est quoi l'alignement pour 2018. Je pense que les prochains mois vont être déterminants là-dessus. OK. Puis surtout que je regarde ça, tu sais, Ross Shapiro, puis Mark Shapiro, pas Ross, mais Mark Shapiro, puis Ross Haskins. Surtout Shapiro, il était très critique avec Alex Antopoulos parce que Alex est parti. Tu sais, on l'a accusé d'avoir le réseau des filiales, d'avoir dilapidé le réseau des filiales. Mais où on savait ce qu'on s'en allait. Puis ça a donné 2 championnats. Rogers, l'action Rogers a monté de 40%. Grâce beaucoup aux Blue Jays. Tu sais, on peut pas blâmer. Écoute, ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu de match éliminatoire à Toronto. Fait que, tu sais, tu peux pas blâmer Alex pour ce qu'il a fait, là. Non, t'sais, absolument pis, pas. Puis, tu sais, je regarde ce qu'ils font à Haskins, je regarde ce qu'a fait Shapiro. On le sait pas. Ils ont de l'air à. Moi, je l'ai dit à Jacques souvent, j'ai aucune confiance dans cette organisation-là. On ne sait pas. T'sais, Haskins s'en est passé aux assises. Il dit, préparez-vous, ça va avoir tout qu'un show. Il n'a absolument rien fait. C'était très décevant durant l'année. Puis quand on regarde ça, l'avenir des Jays est intéressant à cause de deux kids, Bo Bichette et Vladimir Guerrero. Et encore une fois, c'est Alex Antopoulos qui a donné 1 million, je pense que c'est 1 million de bonus de signature à un gars de 16 ans. Ouais. Tu sais, il a fallu qu'il risque, là, puis ça va payer. Mais l'organisation des bougies, on ne sait pas du tout ce qu'ils s'en vont. Pour compléter là-dessus, puis comme tu dis, c'est Alex Antopoulos avait décidé que lui, ça serait all-in. Tu sais, on allait, c'était clair la stratégie, puis il y avait pas. Alors que moi, je m'aurais attendu à ce qu'on passe d'une stratégie all-in à ce qu'on reconstruise au complet. Mm. Mais quand on se positionne entre les deux, il y a bien de la misère à voir comment ça peut avoir du succès sur une longue période. On le voit dans le baseball actuellement. Faut que tu prennes une des deux côtés. C'est où tu y vas all-in. Ou bien tu y vas à reconstruire au complet, mais quand tu te maintiens entre les deux, ben tu finis généralement au milieu de comme plateau. Comme les Astros vont faire, comme les Braves d'Atlanta vont faire. Les Braves, c'est sûr que ça va lui coûter cher, l'histoire qu'on s'est parlé il y a 15 jours. Sauf que quand même, ils ont quand même de très très bons jeunes bras, là, les Braves. Là. Dans 2-3 ans, ça va être une équipe à surveiller. Ton deuxième point. Ben en fait, c'est là-dessus les Astros. Tu sais, les Astros qui gagnent la Série mondiale, qui... Puis c'est le nouveau modèle, tu sais, les Astros, ils ont fait exactement ce que les Rays de Tampa Bay ont fait, mais ils ont de l'argent. Ouais. Je m'explique. Dans le fond, du côté des Rays, c'est pas compliqué, c'est une équipe à petit marché. Puis la façon qu'ils ont fonctionné, ça a été un peu le modèle des A's d'Oakland aussi pendant longtemps. On repêche, on échange nos joueurs établis contre des jeunes. Puis quand tous nos jeunes arrivent en même temps à connaître une bonne saison, on a une chance de faire les séries puis peut-être aller plus loin. C'est ce que les Rays ont fait, c'est ce que les A's ont fait pendant longtemps au début des années 2000. Puis c'est une stratégie qui n'était pas utilisée par aucune équipe. Même les Yankees ont passé un peu par ce passage-là là, pour essayer de reconstruire leur organisation. Mais les Astros, ils ont été vraiment à un autre niveau. Ils ont complètement mis à terre l'organisation au grand complet. Ils ont changé tout ce qu'il y avait. Puis c'est une équipe, écoute, qui était établie. Les foules ont baissé drastiquement, mais ils savaient que le monde allait revenir. C'est un gros marché, Houston. Les propriétaires ont de l'argent. Ça, c'est loin d'être un problème. Puis c'est un modèle qui, de plus en plus, est regardé. Tu as parlé des Braves, mais moi, une autre équipe que je vois beaucoup en ligne avec ce modèle-là, c'est les Phillies de Philadelphie. Ouais, les Phillies ont fait exactement la même chose. On a vu tous les gars partir, les Ryan Howard, les Jimmy Rollins, les Chase Utley. Ils ont tous quitté l'organisation et on a vraiment fait table rase sur le courant de succès qu'on a eu. Et quand on regarde du côté des Phillies, en contrepartie maintenant, on a plusieurs des meilleurs espoirs dans l'organisation. Mmh. On a vraiment bien reconstruit l'équipe. Et à partir de là, là, on a vu que la signature d'un gars comme Carlos Santana aujourd'hui, les Phillies ont de l'argent. Là. Donc, ouais. Quand ils vont aller ajouter des bons joueurs autonomes, c'est comme ça que tu te reconstruis une équipe de qualité. Et les Astros, c'est le modèle. Ça va être le modèle qui va être copié. Il ne faudra pas être surpris. On parle beaucoup, beaucoup d'équipes en ce moment qui veulent prendre peut-être ce virage-là. On a vu les White Sox de Chicago faire ce virage-là. Il y a beaucoup, beaucoup d'équipes qui veulent prendre cette direction-là parce que ça marche. On l'a vu, les Astros, ça a donné des résultats concrets. Puis on voit d'autres clubs comme les Phillies qui sont en train d'émerger. Puis quand les Phillies vont venir au sommet, puis ils vont avoir l'argent pour garder ces jeunes-là puis aller chercher des joueurs autonomes, ben c'est une équipe qui va être au sommet pour 5, 6, 7, 8 ans. Ce qu'une équipe, par exemple, comme les Royals ne peut pas faire parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens financiers, ou comme les Rays ne peuvent pas faire parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens financiers. Maintenant, encore là, les mêmes moyens financiers, tous les propriétaires du baseball majeur, c'est des milliardaires, ça dépend toujours de l'intérêt et tout ça. C'est jamais nécessairement un problème à ce niveau-là, mais c'est pas leur philosophie d'organisation. Ouais. Mais pour une équipe comme les Phillies, moi, c'est un club que je surveille du coin de l'œil. C'est une équipe qu'on aime, tu sais, qu'on aime soit aimer ou détester. C'est un club qui laisse pas indifférent. Puis je trouve que ça va être intéressant d'y revoir là, la façon qu'ils se reconstruisent. Là, ça suit le modèle des Astros. Puis les Astros, ben, non seulement ils ont gagné cette année, mais soyons pas surpris, Dan, on va se reparler des prochaines années, puis ils vont être très, très souvent parmi les discussions pour être des sérieux prétendants à la Série mondiale. Point 1. Le point 1, les Yankees. Écoute, je voulais conclure là-dessus. C'est une équipe que j'aime pas vraiment, les Yankees. Les Yankees, tu les aimes pas, c'est comme les Pats. C'est pareil comme les Patriots. Puis du côté des Patriots, je suis clairement dans ceux qui les aiment pas. Puis c'est ben correct moi, c'est comme ça. C'est ça, fait que je m'assume parfaitement là-dedans. Du côté des Yankees, ils me laissent, je te dirais, un peu plus indifférent. Peut-être parce qu'ils gagnent moins souvent qu'au début des années 2000 où avec le clan Jeter et tout ça, on était plus capable de les sentir, de voir se rendre toujours au sommet. Mais en même temps, quand je regarde le travail qui est fait depuis 3-4 ans, puis on en parle souvent, c'est une équipe qui a fait vraiment les choses de la bonne façon. On disait justement, c'est comment tu vas faire le passage quand un gars comme Jeter prend sa retraite, les foules ils baissent. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu te rebâtis? Fait que là, il y avait plusieurs rumeurs. À un moment donné, on parlait de gros noms là, qui allaient aboutir à New York, que les Yankees allaient faire une grosse transaction pour aller chercher un joueur là, de concession. Mais ils ont vraiment décidé de descendre leur masse salariale sous le plafond salarial pour la taxe de luxe dans le baseball majeur. Après ça, ils ont décidé d'aller chercher des jeunes, de les développer. On a vu l'émergence de joueurs arriver. Ils ont fait des échanges. On a parlé tantôt de Didi Gregorius, c'est un joueur qu'on est allé chercher par un échange. Fait qu'on a tenté de créer ce modèle-là qui est vraiment, on a un des meilleurs réseaux de filiales. Les jeunes, ils poussent. On va les placer dans l'organisation au fur et à mesure qu'ils vont être prêts pour arriver. Puis bien sûr, ben, on a de l'argent. Fait que quand il y a des bons joueurs autonomes qui viennent disponibles ou on a des chances d'échange, exemple de Stanton la semaine dernière, ben on est capable d'aller les chercher, ces joueurs-là. Et c'est comme ça que tu te bâtis une organisation gagnante pour un 5, 10, 15 ans. Puis, écoute, t'sais, moi, c'est Yankees de retour au sommet. T'sais, je regarde l'an prochain, oui, les Blue Jays, si tout tombe en place, pourraient donner du fil à retordre un peu de la division. Les Rays et les Orioles, c'est vraiment pas vers là qu'ils s'en vont, les Orioles. Les Red Sox, j'ai hâte de voir la réplique des Red Sox, parce qu'ils ne laisseront pas aller sur le même. Dave Dombrowski ne laisseront pas aller sur le même. Ben non, puis il n'y a pas le choix, Dan, parce que, écoute, les Yankees, non, il y a eu moins de victoires que les Red Sox cette année, mais tout le monde était d'accord pour dire que les Yankees avaient une meilleure équipe que les Red Sox. Et là, à partir de là, pour l'an prochain, ben, tu veux pas continuer à prendre du retard, parce qu'il y en a d'autres jeunes qui poussent dans l'organisation des Yankees, puis on a d'autres des jeunes à pouvoir échanger, puis écoute, il y a des noms, on parlait cette semaine, il y avait des rumeurs qu'envoyait Zach Greinke avec les Yankees, puis on commençait à avoir des noms. Quand ils vont décider de délier les cordons de la bourse, ils vont l'avoir, l'argent. Des gars comme A-Rod, ça va sortir des livres. Tout va disparaître de ces années-là. Un gars comme Jacoby Ellsbury qui a signé un des pires contrats de joueur autonome. Dan, écoute, on a donné 7 ans, 140 millions. On veut l'échanger, d'ailleurs. On change à l'échanger, mais il va falloir payer une partie du salaire, je pense. Ben oui, personne ne va vouloir prendre ce contrat-là. C'est vrai. Dans le fond, moi, l'histoire que j'ai retenue le plus dans l'année, c'est les Yankees de retour au sommet. Ils n'ont pas besoin de gagner quand je parle de retour au sommet. T'sais, cet été, qu'est-ce qu'on a parlé? C'est Aaron Judge au concours de coups de circuit, puis sa saison recrue qui bat Mark McGwire. Puis après ça, on a vu les assistances remonter du côté de New York, puis l'équipe qui faisait un push pour les séries. Puis là, on a signé Stanton. On a beau regarder puis dire, oui, les Astros ont gagné, puis oui, il y a d'autres équipes qui font du mouvement. Mais présentement, là, c'est les Yankees qui sont venus au sommet de la hiérarchie pour le baseball. Puis écoute, même si c'est pas l'équipe que je préfère le plus, c'est l'équipe qui draine le plus d'argent pour le baseball. Quand les Yankees sont en santé, le baseball est en santé. C'est comme les Pats. C'est tant mieux pour le sport. C'est comme les Pats. C'est la même affaire. C'est les Pats, c'est les Pats. C'est Yankees, c'est Yankees. Hey, dis-moi, 2018, tu prévois quoi pour le baseball à Montréal? Moi, j'avais dit qu'en 2000, j'avais fait ça il y a deux à trois ans. J'avais dit qu'en 2018, il y aurait l'annonce d'un club à Montréal et qu'on allait assister au premier match en 2020. Ouais. Sauf que là, je pensais pas que Valérie Plante allait rentrer à Montréal. Moi, j'ai pris une gageure avec quelqu'un et j'essaie à tout le moins de mettre ça en 2022. La personne avec qui je veux, elle veut pas. Tu prévois quoi? Écoute, le dossier il a tellement évolué, puis il y a tellement eu de choses qui ont été dites, puis amenées, puis on n'est pas des experts du dossier. Souvent, tu parles à des experts, des gens qui sont beaucoup plus proches du dossier, des Mark Griffin, des Frédéric Degg, ouais, qui sont super intéressants, puis qui nous donnent un bon éclairage vraiment sur ce qui se passe réellement en coulisses. Jérémy Filosa aussi. Oui, exactement. Ce qu'on a appris, je pense, cette année, dans le cas du dossier du retour des expos, moi, il y a deux choses que j'ai retenues. La première chose, c'est, tu sais, quand il y a eu le scandale au niveau de Bronfman, on a comme ressorti au grand jour que c'était vraiment lui qui était l'argentier derrière le retour des expos. Puis ça, ça rassure d'une certaine façon parce que c'est un propriétaire qui est crédible. On a souvent parlé du côté des Nordiques avec Québécois et tout ça. Est-ce que Gary Bettman est Québécois et tout ça, avec ses liens aussi que la famille démarrait? Bon, du côté du baseball, t'as pas ça. Bronfman, c'est une famille qui est proche du baseball majeur. Il n'y a jamais eu vraiment d'anicroche d'aucune façon avec le bureau du commissaire. Fait que c'est un groupe de propriétaires qui serait le bienvenu. Fait que ça, moi, je trouve que dès le départ, ça met une très grosse crédibilité au dossier. Puis l'autre chose aussi qu'on a appris dans l'année, c'est que ça va être difficile à court terme parce qu'il ne devrait pas y avoir de déménagement d'équipe. Moi, j'ai toujours pensé que les Rays, je sais pas, Bruno, parce que quelque part, là, je sais à quel point que. Puis Oakland, ce qui est arrivé, c'est que, bon, semble-t-il que l'entente est pas réglée, finalement. C'est à la surprise générale, c'est pas être réglé. Sauf que je pense que les Ace vont rester à Oakland, surtout que les Raiders s'en vont. Par contre, Tampa, là, maintenant, là, ça, le commissaire va cette année. J'espère que le commissaire va cette année, là. Ben, en fait, si le propriétaire se tame pas, c'est lui qui assume la facture en bout de piste. C'est sûr que pis c'est un peu la même réalité qu'au hockey. Est-ce que tu veux vraiment sortir une équipe de Tampa Bay? T'sais, c'est un marché qui est acquis, la Floride, beaucoup pour les camps d'entraînement, mais ça reste un marché important. Puis quand tu vois les Marlins avec la vente de feu et tout ça, je suis pas sûr que c'est un marché qui est tant naturel que ça pour le baseball. Fait que de ce côté-là, je te rejoins, mais en même temps, ça viendrait, à mon avis, comme plus une annonce surprise s'il y avait un déménagement qui serait de ce côté-là. J'ai plus l'impression que le baseball majeur vise une expansion à 32 équipes. Et quand cette expansion-là va arriver, les expos vont revenir. Et cette expansion-là ne sera pas annoncée tant que ces dossiers-là ne seront pas réglés. Ouais. Et c'est ce qui fait que 2020, ça m'apparaît plutôt optimiste. Je pense qu'un horizon, tu as parlé de 2022. Il faut se donner encore un 3-4 ans. Ouais. Le dossier du stade n'est pas réglé. Mais je pense que le dossier important, c'est tant qu'il n'y aura pas d'annonce d'expansion du baseball majeur, à moins d'une grande surprise, je serais surpris de voir un déménagement. Je pense que je me rends compte que je suis optimiste, mais il y avait un beau momentum au moment où j'avais pris ça. Tu te rappelles du momentum, puis 2020, réaliste aussi de penser à ça. Sauf que là, ça a comme ralenti un peu le processus, puis Valérie Plante, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de démagogie. C'est facile de faire de la démagogie dans un dossier comme le nouveau stade et ainsi de suite, puis partir en peur, est-ce que Montréal est mieux depuis que les expos sont partis? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Bruno, il me reste qu'à te remercier. C'est vraiment été agréable. Je l'ai dit, c'est vraiment le fun de parler de baseball avec toi. Je l'ai dit sur les médias sociaux l'autre jour. Il y a quelqu'un qui t'a dit que tu t'exprimais très, très bien. Puis, pas rien que s'exprimer bien. Ses analyses sont bonnes. Fait que c'est pas tout, là, bien s'exprimer. Fait que moi, ça me fait extrêmement plaisir que tu collabores avec moi. Puis, je te souhaite de joyeuses fêtes avec ton petit gars, puis ta conjointe, puis on va avoir l'occasion de se reparler en 2000 au camp d'entraînement, mais à moins qu'il se passe de quoi, de majeur, je pense qu'on va s'en reparler, puis dans le temps des fêtes, ben, c'est Jacques puis Marc qui vont faire la rétrospective. Parfait, Dan, écoute, j'en profite, je te remercie aussi, c'est toujours intéressant de partager baseball avec les gens qui écoutent tes podcasts puis tes émissions. J'en profite aussi pour souhaiter aux gens qui vont écouter la chronique là, de Joyeuses Fêtes. Et ça va être bien intéressant de reprendre ça en 2018 avec les camps d'entraînement. Ça vient vite, hein? On se parle la dernière fois de l'année dans ces dates-là, Dan, puis on se dit, bon, ben On va se reparler à rendu au printemps, mais finalement, c'est pas au printemps. T'arrives la première semaine de février, les lanceurs commencent à se rapporter, puis d'un coup, on se décide, bon, ça serait le temps de faire un petit blitz, puis de revenir sur ce qui s'est passé dans l'hiver. Donc, on aura le plaisir de se reparler. À surveiller en 2018, Vladimir Guerrero, qui normalement devrait faire son entrée à Cooperstown. Normalement. Oui. C'est pratiquement une chose faite. Bruno, joyeuse fête, puis on se reparle dès 2018. Merci, dame. Collaborateur Bruno.